pleure sous la pluie d'un vent qui court. Les arbres n'y parlent qu'il est loin. Du Fred Astaire, revoir un latte poète. Je voudrais toujours te plaire dans le bois d'hiver. Sous le seuil de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin là. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des faux dos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère, dans mon fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus d'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Des dentelles et des théières, des faux dos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère, dans mon jardin. Je n'en peux plus d'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Des dentelles et des théières, des faux dos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère. Love.

peu plus d'attendre. Je veux changer d'atmosphère dans